Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben, l'Avalanche du Colorado a perdu hier par la marque de 4 à 3 contre la formation des Capitals de Washington. Samuel Girard de Robert Vert a joué pendant 20 minutes 48 secondes et a terminé le match à plus 2 et il a été blanchi. Nouvelle maintenant, la Ligue du Lac au Fleuve a décidé de raccourcir son calendrier en raison évidemment qu'on a peur de manquer de disponibilité vers la fin de la saison, de disponibilité des arénas, ce qui fait en sorte que le calendrier va passer de 20 à 18 parties pour les équipes. Les matchs du multiconcessionnaire qui devaient avoir lieu à Saguenay le 16 février et à Dolbeau-Missassigny le 23 février ont été annulés. Donc, et les séries vont commencer le 22 février prochain et devraient s'étirer pour un maximum de 8 semaines. Toutes les séries seront des séries 4 de 7. Maintenant, on va parler que du côté des Aigles de Roberval, il y avait des matchs cette semaine du côté des Aigles et au niveau du côté du Benjamin Division 1. Les Aigles étaient en action et ça a été quand même une victoire, plutôt une défaite de 3-2 contre l'école Cardinal Roy. Maintenant, au niveau du côté du Juvénile Division 2, ben, les Aigles étaient également en action au cours du week-end. Et les Aigles qui ont remporté une victoire cette fois de 6-1, toujours contre l'école Cardinal Roy. En fin de semaine à Saint-Louis-de-Milo, c'est la classique hivernale, c'est la 6e édition de la classique hivernale. Hier, on a eu Chantal Arnold, qui est une des responsables de l'activité, et elle nous explique l'historique de cette classique. Ben, en fait, l'idée est venue les pompiers organisaient anciennement là, le tournoi de famille. Okay. Mais dans les pompiers, il y avait un gars que son enfant jouait du hockey en ligue à Dolbeau. Donc, de fil en aiguille, ils ont dit « Bon, on essaie-tu de faire une classique hivernale? » Les gens avaient demandé ça, les jeunes aiment ça, ça joue dehors, ça fait changement puis ça compte autant que leur game initial. C'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est lui, Stéphane Maltais, qui a un peu décollé ça avec l'équipe des pompiers qui s'en occupait. Là, moi, je suis comme introduit là pour lui donner un coup de main tout au long de l'année, mais Stéphane et quelques pompiers là sont encore dans toute l'organisation de tout ça. Ça, la classique hivernale, c'est... Dans un deuxième temps, Chantal Arnaud l'explique que c'est une activité qui rassemble beaucoup de monde à Saint-Louis-de-Milo. Viennent les voir jouer. C'est des grosses journées. Nous, de notre côté, là, on a un commanditaire qui offre entre la deuxième et la troisième période, pendant que la Zamboni passe sur la glace, on a un commanditaire qui paie le chocolat chaud aux jeunes entre la deuxième et la troisième période pour les réchauffer. On a les parents aiment ça parce qu'on a une espèce d'estrade chauffée qui ils ont des chaufferettes en dessous pour pas que les gens aient trop froid. Les bancs des joueurs sont chauffés. Les chocolats chauds sont servis par des équipes de bénévoles de la Maison des Jeunes, puis des ateliers pirouettes qu'on a, là, un petit comité de pirouettes pour les enfants 0-5 ans pour des jeux. Donc, c'est tous ces parents-là, puis les jeunes de la Maison des Jeunes qui s'occupent de servir le chocolat chaud aux jeunes joueurs. Simple lettre du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait des matchs en fin de semaine qui nous intéressaient au niveau du midget B. Les Épaviers Normandais ont défait les Marquis de Jonquière par le pointage de 7-4. Et au niveau du junior A, victoire des Prolames de Saint-Félicien 4-0 sur les Orioles de Saguenay. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec plusieurs intervenants du monde du sport. Simon Gaudreau vient nous parler des Aigles de Roberval. On a également parlé aussi d'une appel-conférence avec le joueur de tennis Félix Auger-Aliassim. Également, vous pouvez écouter plusieurs autres intervenants du monde du sport, dont Chantal Arnold, qui nous explique la classique hivernale de Saint-Louis-de-Milo. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.